Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Un officier de police judiciaire qui prestait en commune Songa de la province Bururi est dans les mains de la police. Il est poursuivi pour viol de son employé. Alors que le Burundi ne dispose que de 76 MW de couverture nationale en énergie électrique sur les 500 nécessaires, on explique les retards dans l'achèvement de construction des centrales électriques par les problèmes d'importation du matériel utilisé par les aléas climatiques. Vous suivrez d'amples explications de la part du directeur général de l'énergie qui sera notre invité. Et c'est un dernier avertissement de la ministre du Commerce à l'endroit des vendeurs de ciment Bousséco contre les spéculations et les fausses déclarations. Dans un communiqué rendu public, la ministre Immaculée Ndabaneze annonce cette fois-ci des sanctions contre l'une de ces infractions. Et dans la chronique santé, l'on parlera de la sinusite. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La ministre du Commerce prévient pour toute la dernière fois tous les vendeurs de ciment Bousséco contre les spéculations et les fausses déclarations des magasins ou entrepôts. Dans un communiqué rendu public, la ministre Immaculée Ndabaneze annonce des sanctions contre l'une de ces infractions, un retrait définitif de la liste des clients directs de la Bousséco et un paiement d'une amende variant entre 1 million et 5 millions de francs burundais qui sera versé au trésor public, ainsi que la fermeture définitive du magasin ou entrepôt coupable de spéculation ayant fait de fausses déclarations. La bonne gestion de la biodiversité peut contribuer au développement économique du pays. C'est ce qui a été dit dans un atelier de sensibilisation sur l'importance de la biodiversité en matière de bioéconomie. Selon le professeur Tassien Macharabou, conférencier, l'état des lieux de cette gestion est satisfaisant au Burundi, mais souligne qu'il faut toujours des sensibilisations pour faire de cette gestion une des grandes priorités. Je voudrais d'abord vous dire que la bioéconomie d'abord englobe l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse, qu'elle soit d'origine agricole, forestière ou aquacole, à des fins de production alimentaire, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale, mais aussi, rejoint aussi la chimie industrielle ou bien même la chimie des matériaux ou bien la production d'énergie. Au niveau de l'état des lieux, il y a plusieurs stratégies par secteur. Que ce soit au niveau du secteur de la biodiversité, au niveau du secteur de l'énergie, au niveau du secteur de l'énergie ou bien d'autres domaines qui touchent à la biodiversité. Et maintenant, il faut maintenant une stratégie globale de bioéconomie pour, disons, une bonne coordination de tous les acteurs. D'où d'ailleurs au niveau de la communauté est-africaine, bon, c'est une stratégie régionale de l'Afrique de l'Est qui a été développée, une stratégie régionale en matière de bioéconomie, qui a d'ailleurs été lancé en octobre dernier et il a maintenant été recommandé que les États partenaires aussi puissent développer, puissent s'approprier de cette stratégie régionale en mettant en place des stratégies pays, des stratégies adaptées au contexte local. Bien sûr, l'élaboration de cette stratégie régionale en matière de bioéconomie a suivi un processus consultatif au niveau des États partenaires. Pour la biodiversité, on doit se situer à différentes échelles. Au niveau d'abord génétique, au niveau des espèces, au niveau aussi des écosystèmes. Donc on doit se situer au niveau des ressources biologiques, que ce soit au niveau génétique, au niveau des espèces, mais aussi au niveau des écosystèmes. Le pays a des atouts. Et également dans l'actualité, je vous l'avais dit, les aléas climatiques et les problèmes d'importation des matériels à utiliser sont les grands facteurs qui expliquent les retards dans l'achèvement de construction des centrales électriques et le report de leur mise en service. C'est ce qu'explique le directeur général de l'énergie, Martin Daizeye, qui fait remarquer que le Burundi a besoin d'une capacité de 500 MW pour sa couverture nationale en énergie électrique, alors qu'il ne dispose actuellement que de 76 MW. On l'écoute. Les causes de report des dates de mise en service des centrales sont nombreuses et sont très variées. Et la majorité de ces causes peuvent être que ce soit la situation géologique de la zone de construction de la centrale. Parfois, l'entreprise de construction est confrontée par des situations difficiles du sous-sol quand on est dans la phase d'excavation des terres. Parfois, dans le traçage des tunnels, on est confronté par des des situations géologiques qui ne sont pas faciles à gérer. Je vous donnerai en guise d'exemple pour le cas de Kabousèze, où au mois de février, l'entreprise a été confrontée par l'inondation de la zone du barrage, et cette inondation a fait que l'entreprise a été retardée de plus de 3 mois en train d'évacuer la boue qui avait rempli toute la zone du barrage. Mais cela étant, je pourrais dire que parfois on se confronte à des problèmes qui sont dus aux importations des équipements, puisque les équipements qui sont utilisés proviennent des autres pays, qui ont fait que à peu près 6 mois ont été écoulés sans que ce soit les équipements soient importés et sans que le personnel clé du projet arrive sur terrain. Ce sont des cas qui viennent allonger les délais au cours de l'implémentation du projet. C'était ingénieur Martin Daizeye, directeur général de l'énergie. Il sera l'invité de la rédaction. Isanganiro, la radio de l'avenir. La carte d'assistance médicale continuera à être utilisée par les citoyens burundais en vue de leur permettre de bénéficier facilement des soins. Déclaration d'Arkade Nimubona, secrétaire exécutif du secteur de la protection sociale lors d'une présentation de la revue semestrielle des réalisations de 2020 et les perspectives d'avenir. Il a interpellé ceux qui travaillent dans ce secteur à bien collaborer avec les administratifs pour que tous les citoyens puissent avoir cette carte. Les participants ont souhaité que les données soient présentées de manière à clarifier le taux de réalisation et spécifier la catégorie des gens censés utiliser cette carte. Cette réunion a vu la participation des conseillers des gouverneurs chargés des questions sociales. Également dans l'actualité, je vous l'avais dit, 3 personnes, dont un officier de la police judiciaire opérant en commune Songa de la province de Bururi, sont dans les mains de la police judiciaire depuis ce lundi. À Songa, le PJ est accusé d'avoir violé son employé au moment où en commune Matana, ce sont des brûlures d'un mineur à l'eau chaude qui sont à l'origine de ces arrestations, selon l'administration locale. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions, confirme ces arrestations, indiquant que les dossiers sont en cours de confection. Une fois n'est pas coutume, on passe à l'actualité internationale. On reviendra sur notre invité et sur la chronique santé qui parlera de la sinusite. Dans le reste de l'actualité internationale, je le disais, l'Afrique du Sud a beau faire face à son problème d'infanticide depuis de nombreuses années. Les corps d'enfants décédés des suites de violences n'ont cessé de remplir les cimetières sud-africains. Selon les statistiques officielles, près de 1000 enfants seraient victimes d'infanticide chaque année dans le pays. La colère des Sud-Africains face à ce problème sans fin serait d'autant plus justifiée que les chiffres seraient faussés. Selon la directrice de l'Institut des enfants de l'Université de Cape Town, les enquêtes criminelles ne seraient pas conduites de façon efficace. Et selon les données de cette université, seul un crime sur 9 serait signalé à la police. Et face à la propagation de la pandémie de Covid-19, le gouvernement marocain a annoncé la mise en place d'un couvre-feu nocturne de 21h à 6h du matin sur l'ensemble du pays à partir de mercredi, et ce pour les 3 prochaines semaines. Le gouvernement marocain a également détaillé la mise en place de nouvelles mesures allant de l'interdiction des fêtes et des rassemblements à la fermeture des restaurants, cafés et commerces et grandes surfaces à 20h. Sachez que la pandémie est loin de faiblir dans le royaume chérifien, où plus de 2000 nouveaux cas de Covid-19 sont en moyenne recensés au quotidien, et ce malgré la baisse du nombre de tests sur l'ensemble du territoire, alors que l'exécutif français a annoncé ce lundi soir vouloir lancer sa campagne nationale de vaccination. Ce sera dimanche prochain, comme l'Allemagne et l'Espagne, dans le cadre d'une coordination européenne. On revient maintenant sur le reportage de notre confrère Jean-Pierre Missago, qui nous parle de cet officier de la police judiciaire qui a été arrêté pour viol de son employé, ainsi que deux autres personnes qui sont accusées d'avoir brûlé à l'eau chaude un enfant. Correspondance, Jean-Pierre Missago. Cet officier de la police judiciaire arrêté le soir de ce lundi, s'était volatilisé devant le parquet de Bururi où il s'était lui-même présenté le matin de ce lundi, alors que le parquet de Bururi cherchait à l'interroger sur les plaintes qu'une famille de Songa venait de déposer au dit parquet, des plaintes selon lesquelles une fille de cette famille aurait été violée par cet OPJ, la menaçant au poignard la nuit de ce samedi. Certains membres de cette famille disent que l'infraction aurait été commise dans un bar Cizaru Vumvu au chef-lieu de la commune Songa, un bar où la victime avait été embauchée la veille comme serveuse de boisson Braroudi. Alors que des sources proches de cette famille de la victime, actuellement sous ARV, disent que deux envoyés de cet officier de police judiciaire se présentent chez elle depuis ce lundi pour négocier le retrait de ce dossier devant la justice, les membres de cette famille contactés ce mardi matin disent y avoir opposé le refus catégorique, mais demandent plutôt à la justice de faire son travail. Deux autres personnes arrêtées ce lundi sont un domestique et sa patronne de Gitanga en commune Matana. Ils sont accusés d'avoir brûlé à l'eau bouillante un jeune garçon de 12 ans comme punition d'avoir manqué au bon gardiennage des vaches lui confiées, selon le chef culinaire de Gitanga. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions, confirme toutes ces arrestations et indique que des dossiers à leur charge sont en train d'être confectionnés. Jean-Pierre Misago de Pibururi, Radio Isanganiro. À la source, interview. Et comme annoncé, place maintenant à notre invité, c'est le directeur général de l'énergie, ingénieur Martin Daizeye, qui nous entretient sur l'état d'avancement de construction des centrales hydroélectriques au Burundi. Il répond aux questions de Mireille Kanyang. Docteur ingénieur Martin Daizeye, vous êtes directeur général de l'énergie. Bonjour. Bonjour. En commune Gitega de la province Gitega, il y a une centrale solaire qui est en train d'être construite. Où en êtes-vous avec les travaux de construction et quelle sera la valeur ajoutée pour le pays? La centrale solaire de Mubuga, qui est en train d'être construite par l'entreprise Gigawatt Global, devrait être finalisée au mois de décembre. Mais puisque l'entreprise a été confrontée par des questions de coronavirus, la pandémie qui a freiné l'importation des équipements, maintenant les travaux vont être finalisés au mois de février. Et cette centrale sera mise en service au mois de février. La valeur ajoutée pour le pays est d'importance capitale parce qu'on était contraint d'utiliser la centrale thermique à base du fioul lourd. Mais maintenant, cette centrale viendra alléger la charge, que ce soit à la régie des eaux et à l'État, pour une énergie qui sera moins chère par rapport à l'énergie de la centrale thermique. Une énergie qui sera moins chère. Combien coûte aujourd'hui l'énergie et combien coûtera l'énergie avec la fin des travaux de cette centrale de Mubuga? Pour la centrale thermique à base du fioul lourd, maintenant le prix du kilowattheure était à 22 cents, mais ça dépendait du coût international du carburant. Alors ce coût pouvait varier, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais maintenant pour la centrale solaire, elle sera à un prix de 13,5 par kilowattheure, et cela viendra alléger la charge qui était supportée par la régie des eaux. Justement, vous parlez de la régie des eaux, il y a un contrat qui liait, disons, la régie des eaux à cette centrale thermique. Selon une certaine opinion, ça a handicapé les activités de la régie des eaux. Avec la fin des travaux à Mubuga avec cette centrale solaire, peut-on dire que ça mettra fin à ce contrat entre le gouvernement burundais ou entre la régie des eaux et la société Interpétrole? Le contrat entre la régie des eaux et la société Interpétrole sur la centrale thermique est bien défini et bien spécifié. Alors, après la mise en service de la centrale solaire de Mubuga, les deux parties se mettront ensemble pour analyser la continuité ou bien la fin du contrat. Et cela dépendra alors des négociations qui seront faites par la régie des eaux et l'entreprise Interpétrole. Docteur ingénieur Martin Ndaizeye, vous êtes directeur général de l'énergie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Thank you. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais dit dans les titres, on parle de la sinusite qui se caractérise par l'infection de la muqueuse touchant les sinus. Le médecin spécialiste en otorhinolaryngologie, Cyril Nyonguru, fait savoir que cette infection peut être de différentes origines, mais souvent virale ou bactérienne. La douleur sous-orbitaire est l'un des signes de la sinusite. Et selon toujours ses explications, la maladie touche toutes les catégories de personnes. Mais les plus vulnérables sont les enfants âgés ayant un âge compris entre 5 et 7 ans. Ornella Mucho. Lorsqu'on parle de l'inflammation de la muqueuse touchant les sinus, c'est-à-dire les cavités creusées à l'intérieur des os de la face, il s'agit de la maladie appelée sinusite. L'otorhinolaryngologue Cyril Nyonguru constate que les patients ne savent pas distinguer les sinusites des rhinites. C'est beaucoup plus la localisation d'abord, parce qu'en cas de rhinite, le problème se trouve au niveau des fosses nasales. Mais en cas de sinusite, bien sûr, ça peut être... Le problème se trouve au niveau des sinus. Mais, bien sûr, le problème peut provenir justement des fosses nasales et les germes peuvent provenir des fosses nasales et aller coloniser les sinus. Dans ce cas-là, on parle d'une rhinosinusite, bien d'une sinusite d'origine nasale. Ou bien, le problème peut provenir au niveau des dents, ce qu'on appelle les dents sinusiennes, qui sont en rapport avec les sinus maxillaires. Dans ce cas-là, on parle d'une sinusite d'origine dentaire. Les principaux symptômes de la sinusite sont entre autres la douleur, la congestion, l'écoulement nasal ou une certaine perte d'odorat. La douleur, c'est le premier signe. La douleur dans le siège, bien sûr, est fonction du type de sinusite. Si c'est maxillaire, c'est un sous-orbitaire. Orbite, c'est l'os qui loge l'œil. Deuxième signe, là, c'est ce qu'on appelle l'obstruction nasale. Le nez est bouché. L'autre signe, c'est l'écoulement nasal, qui est souvent purulente, comme du pus. Il y a aussi les troubles de l'odorat. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les signes généraux. Le malade peut avoir de la fièvre, peut être asthénique. Mais aussi, il y a le signe de l'examen physique. Par exemple, un signe important, quand on fait ce qu'on appelle la palpation des points sinusiens, le malade sent une vive douleur quand vous partez, quand vous pressez au niveau des fosses nasales, et on voit la présence du pus. Les enfants qui ont typiquement de nombreux rhumes chaque année sont plus vulnérables aux sinusites. Les personnes immunodéprimées en raison d'une maladie ou d'un traitement sont aussi à risque, ainsi que les asthmatiques et les gens qui souffrent d'allergies respiratoires. Docteur Cyril Nyonguru précise qu'il y a des examens faits pour confirmer la maladie. Bon, les examens paracliniques qu'on peut demander, c'est beaucoup plus une radio, ce qu'on appelle une radiographie des sinus, à l'incidence de Blondeau, qui effectivement nous montre bien les sinus, surtout les sinus, ce qu'on appelle les sinus antérieurs. Mais actuellement, on fait beaucoup plus le scanner qui nous montre aussi les autres sinus, ce qu'on appelle les sinus postérieurs. La sinusite est-elle curable ou chronique? Et quel est le mode de se prévenir contre cette maladie? Les explications sont dans la prochaine chronique santé. Merci, Ornella Mucho. Le rendez-vous est pris. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Passez un très bon après-midi.